Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous sur Radio Fadjet, l'instant présent, le rendez-vous mensuel consacré au développement personnel. Alors, lors de chaque émission, nous aborderons une thématique spécifique. Aujourd'hui, le lâcher prise. Une émission que je vais co-animer avec une professionnelle du développement personnel, Dorothée Lacroix, sophrologue et instructrice en méditation de pleine conscience. Bonjour Dorothée. Bonjour Jérôme. J'espère que tu es prête pour cette nouvelle émission de l'instant présent. Oui, parfaitement prête. Alors bienvenue pour ce nouveau numéro de l'instant présent. Alors 65% des Français sont stressés, c'est le résultat d'une enquête récente, enquête qui dévoile que 43% des sondés ont vu leur niveau de stress augmenter en 2 ans. Alors pour expliquer cette montée du stress, les Français invoquent le travail, l'argent, les problèmes familiaux, l'école et les études, voire l'actualité avec la réforme des retraites, les conflits, l'inflation et les situations de guerre actuelles. Alors si l'on abordait une des solutions pour tenter donc de réduire le stress, le lâcher prise. Alors Dorothée, une première question s'impose, que veut dire justement lâcher prise ? Eh bien Jérôme, si on veut être très scolaire et qu'on regarde dans le Larousse, eh bien le lâcher prise est un moyen de libération psychologique consistant à se détacher du désir de maîtrise. Alors, quand on fait des recherches un peu plus poussées, eh bien on se rend compte que le lâcher prise serait l'acceptation et l'adaptation au changement. La capacité à voir la réalité telle qu'elle est, sans se laisser dominer par une réalité imaginaire où tout se passerait exactement comme on l'avait prévu ou imaginé. Alors, il y a beaucoup de définitions du lâcher prise, si on fait un peu de recherche aussi sur Internet, avec le développement personnel, la psychologie positive. Et ce qu'il faut retenir, c'est que dans la notion de lâcher prise, il y a surtout la notion d'acceptation. Accepter que les choses sont comme elles sont, et non comme on voudrait qu'elle soit. Accepter ce que l'on ne peut changer. Mais accepter ne veut pas forcément dire être d'accord ou se résigner, comme on peut l'entendre parfois souvent. C'est juste faire avec ce qui ne peut être changé. Alors on va revenir dans quelques instants sur cette notion d'acceptation. Toujours est-il que c'est une problématique que tu rencontres régulièrement auprès de ta clientèle. Et il semblerait que les femmes sont davantage concernées que les hommes, car la charge mentale est plus importante avec la gestion des problèmes familiaux, la difficulté de concilier vie privée et vie professionnelle. Est-ce que tu le constates au sein de ton cabinet ? Ah oui, c'est un sujet qui revient très très souvent. Alors surtout aujourd'hui avec les rythmes de vie que nous avons tous, que nous soyons hommes ou femmes. On observe des changements au niveau des schémas familiaux, la professionnalisation des femmes avec des postes à responsabilité, l'importance du rôle parental avec une volonté de tout bien faire parfaitement. Sur tous les fronts, on est un peu sur tous les fronts et ça ajoute une charge mentale importante. Alors ça nécessite une adaptation en permanence aux facteurs stressants que nous impose aussi la société, et notamment on a pu le voir avec la crise du Covid. Et tout cela, eh bien, lasse et fatigue rapidement. Et puis à cela, vous pouvez aussi ajouter les exigences que l'on se fixe envers soi-même ou les exigences attendues par les proches. Alors tu parlais des adultes là, mais alors du côté des enfants, est-ce qu'ils sont également concernés ? Ah oui, les enfants sont tout aussi concernés. Alors effectivement, ils ont beaucoup moins de charge mentale, mais les enfants traversent aussi des moments difficiles. Alors comme par exemple, une exigence plus importante au niveau des apprentissages scolaires. Plus ils vont grandir, plus on va leur demander de fournir un travail conséquent. Ils vont connaître aussi des changements avec la puberté ou parfois aussi des changements de la structure familiale suite à séparation, l'arrivée d'un frère ou une sœur, les déménagements. Donc cette charge mentale ou cette charge qui nécessiterait un lâcher-prise va plutôt concerner les émotions qu'ils vont vivre à travers ces différentes expériences. Donc finalement, le lâcher-prise peut intéresser donc toute la famille. Alors face à un problème, il y a une volonté de vouloir tout contrôler. On pense ainsi que finalement, on ne va pas souffrir, on ne va pas être exposé. Mais Dorothée, il semble que ce ne soit pas la bonne solution. Il est temps de lâcher prise. Oui, exactement, Jérôme. On pense souvent que si je suis dans le contrôle, je vais finir par tout gérer. Mais ça, c'est une illusion. Parce qu'en vrai, je ne fais qu'activer mon système du stress. Et de ce fait, je vais être encore plus stressée. Et puis parfois même en ressentir des symptômes physiques. Et puis, bien sûr, à cela, on l'a tous vécu. Même si on est face à une situation qu'on pense pouvoir gérer, il y aura toujours des situations nouvelles qui vont s'ajouter et s'ajouter. Ou des événements perturbateurs extérieurs que l'on ne peut pas maîtriser. Alors, bien sûr, on s'agrippe à cette situation en pensant que si je tiens bon, ça va s'arranger, c'est passager, ça ira mieux demain, fais des efforts. Mais finalement, ce n'est qu'un mauvais tour que nous joue notre mental. Et puis, y a un moment où la charge mentale, elle déborde. Et quand le psychisme déborde, c'est le corps qui parle et somatise. Oui, Dorothée, je pense que nous n'écoutons pas assez notre corps. Ce mécanisme que tu décris explique, par exemple, le burn-out professionnel. Oui, Jérôme, c'est le mécanisme qui se met en place avant un épuisement professionnel. J'ai une charge de travail importante, mais je suis certain qu'en travaillant davantage, je vais finir par gérer la situation et sortir la tête de l'eau. Sauf que les choses continuent de s'accumuler et que notre énergie n'est pas inépuisable. Et voilà, donc c'est inconnu, c'est un biais cognitif du cerveau qu'on appelle le biais d'engagement ou d'escalade. Et puis bien sûr, sans compter que le stress, au bout d'un moment, il est aussi inhibant pour la créativité. Et ça va nous entraîner dans un brouillard mental, ça va pomper notre énergie. Et finalement, c'est un cercle vicieux qui s'auto-entretient. Et donc, si j'ai bien compris, pour sortir de ce cercle vicieux, de cet engrenage, il faut donc s'engager vers le lâcher-prise. Exactement, lâcher-prise sur certains sujets, ça permet de laisser émerger des solutions, de retrouver de la clairvoyance, du discernement et d'entrevoir des solutions qu'on pouvait envisager ou qu'on ne pouvait voir parce qu'on était trop focalisé sur des sujets qui étaient l'objet de notre charge mentale. Donc, c'est un processus d'acceptation, comme on le disait tout à l'heure. J'ai beaucoup de travail, il faut apprendre à l'accepter, c'est comme ça, je l'accepte. Et j'accepte aussi de faire du mieux que je peux avec les événements et les moyens dont je dispose. Mais c'est pas évident quand même d'accepter la souffrance, d'accepter le stress. Tout à fait, nous ne vivons pas à chaque fois des situations forcément agréables. Et on peut aussi se dire que tout n'est jamais définitif, rien n'est jamais définitif. Oui, alors concrètement, si je sens monter les larmes, il faut ne pas résister, se laisser aller, même pour un homme. Oui, c'est tout à fait ça, Jérôme. Pleurer pour lâcher prise, ça peut faire du bien parfois, même pour un homme. Alors, un autre conseil sur lequel tu vas nous aiguiller, c'est la nécessité de ne pas vouloir tout contrôler en acceptant ce qui arrive, et ce, afin de poursuivre son chemin. Oui, et je crois, Jérôme, que tu as une expérience à nous faire part à ce sujet. Ah oui, alors tout à fait, Dorothée, j'en ai parlé tout à l'heure avec toi. C'est donc que lors de mon retour de vacances d'Italie, j'ai eu un souci avec mon kit d'embrayage de ma voiture qui m'a lâché en plein col de montagne. Alors, pas facile donc à gérer en famille avec en bonus notre chien Pablo de 50 kilos. Mais j'ai tenté quand même de rester le plus calme possible. Et donc, sans savoir, j'ai lâché prise, même si à minuit, nous attendions encore une réponse de l'assistance pour être logés. D'accord. Alors, comment penses-tu avoir géré la situation, Jérôme, avec le recul ? C'est vrai que quand tu as des charges de famille, tu es un petit peu la boussole. Et donc, si effectivement je craque ou ma femme craque, effectivement, alors les enfants seront dans une situation bien difficile. Donc, j'ai voulu essayer de rester le plus calme possible. Et donc, même si l'assistance n'était pas à la hauteur de notre point de vue. Très bien. Donc, tu as réussi à accepter la situation, finalement. Oui, tout à fait. J'ai accepté parce qu'effectivement, il n'y avait pas d'autre solution et il fallait passer par l'assistance pour trouver une situation, notamment pour nous loger, pour nous ramener en France aussi. Très bien. On pourrait dire que tu as fait un peu comme le nageur qui essaye finalement de ne plus nager à contre-courant, mais de faire corps avec. Tout à fait. Voilà, de faire corps avec l'assistance et pas de lutter contre finalement. Tout à fait. Ouais. Ok. Et très bien. Et du coup, est-ce que ça t'a apporté un petit peu de connaissances sur toi-même ? Qu'est-ce qui était différent par rapport à d'habitude ? Justement, c'est pas toujours évident de rester calme, d'autant plus qu'il y a des membres de ta famille, notamment ma fille, qui me critiquaient de ne pas être assez virulent vis-à-vis de l'assistance technique. Mais je pense qu'effectivement, s'énerver au téléphone ne permet pas d'améliorer la situation. Donc, j'ai essayé de réagir en fonction de ma personnalité. Je suis quelqu'un plutôt d'assez calme. Donc voilà, j'ai accepté, comme tu dis, la situation pour essayer de trouver une solution. On a trouvé la solution parce que je suis présent aujourd'hui à notre micro. Je ne suis pas resté en Italie. Dommage, ça pouvait être sympa de rester en Italie. C'est vrai que le lac de Côme, c'est sympa. Très bien. Eh ben, merci pour cet épisode et bravo d'avoir géré. Bah, très, très bien. J'étais satisfait, effectivement, d'avoir pu gérer calmement et puis de donner un exemple aux enfants parce qu'ils vont rencontrer des situations difficiles dans leur vie. Il faut que nous, adultes, on puisse leur montrer effectivement qu'on peut gérer des situations de crise. Oui, tout à fait, de façon différente. Ouais. Alors, Dorothée, il existe des exercices à pratiquer pour lâcher prise. Justement, dans la deuxième partie de l'émission, on va essayer de proposer à nos auditeurs de tester certaines pratiques. Alors, on va faire une pause musicale en écoutant justement des chansons qui parlent du lâcher prise. Et Dorothée, quel a été ton premier choix ? N'attendons pas de Vianney. Eh bien, on retrouve tout de suite ton premier choix. Vianney, n'attendons pas. Il est lundi, maudit matin. Ce que je fais ne me plaît pas. C'est décidé d'ici demain, c'est plus moi. Il est parti, l'amour au loin. J'en ai pleuré pendant des siècles. C'est décidé d'ici demain, je m'arrête. Je fais de la vie mon drapeau. Je vois la vie comme un cadeau. On n'a pas le temps de se lasser. On n'a pas le temps de se tasser. On n'a pas le temps de languir. N'attendons pas de vivre, n'attendons pas de vivre. Il n'est jamais venu l'ami, l'ami qui promettait la lune. Demain je décroche sans lui, Saturne. Il n'est jamais venu le train qui mène au paradis. Demain je mène mon chemin. De la vie mon drapeau, je vois la vie comme un cadeau. On n'a pas le temps de se lasser, on n'a pas le temps de se tasser, on n'a pas le temps de languir, on n'a pas le temps mais des années, on n'a pas le temps non mais la paix, on n'a pas le temps de languir. N'attendons pas. On n'a pas le temps de languir. On n'a pas le temps, mais des années. On n'a pas le temps, non, mais la paix. On n'a pas le temps de languir. N'attendons pas. Voilà, c'était Vianney, n'attendons pas. Deuxième partie de ce nouveau rendez-vous sur Radio Fadjet, l'instant présent, l'occasion d'aborder le développement personnel sous la forme de conseils pratiques pour nos auditeurs avec Dorothée Lacroix, sophrologue. Alors dans la première partie, on a évoqué l'importance de ne pas vouloir tout programmer, tout contrôler afin d'apprendre à se poser donc pour soi et apprécier tout ce qui nous entoure afin de lâcher prise. Alors justement, passons à la partie pratique, Dorothée. Quel premier exercice peux-tu conseiller à nos auditeurs ? Eh bien, on va faire l'exercice de la météo intérieure. Donc, pour ça, cher auditeur, je vous invite à vous installer, dans un endroit, voilà, si vous pouvez vous isoler, et puis à prendre une position confortable, sans forcément s'allonger, mais plutôt en restant en position assise ou semi-assise. Et puis, on va démarrer l'exercice tranquillement. Vous allez tout d'abord fermer vos yeux. Et si c'est difficile pour vous de les fermer, eh bien, vous pouvez les garder ouverts, de fixer un point au sol ou un point d'horizon. Et puis, vous allez tout simplement observer ce qui se passe en vous en cet instant. Découvrir comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Quel temps il fait. Comme si vous observez le temps à l'extérieur, mais en restant concentré sur votre être intérieur. Est-ce que c'est un temps plutôt nuageux, plutôt clair, agité ou calme? Est-ce qu'il y a des pensées qui accompagnent ce moment? Observez les sensations de votre corps. De porter attention aussi s'il y a des émotions qui arrivent en cet instant. Juste d'observer quel temps il fait à l'intérieur de vous, sans jugement, en laissant tout simplement être. Et ensuite, vous allez amener tranquillement votre attention à votre respiration. Vous allez ressentir l'air au bord de vos narines à chaque inspiration, à chaque expiration. Vous pouvez aussi ressentir l'air au niveau du thorax ou de votre ventre. Laissez être tout simplement ce qui est présent cet instant. Et ensuite, vous accueillez vos sensations corporelles dans l'ensemble de votre corps. Et vous pouvez aussi accueillir les sons qui vous entourent. Et quand vous l'avez décidé, au son de la cloche, eh bien vous revenez tranquillement. Bon, cet exercice donc permet donc d'accepter la situation, de se poser, c'est ça? Oui, c'est un exercice qui permet de se poser, d'observer un petit peu ce qui nous traverse, le temps qu'il fait, de se mettre au contact de ce qu'on ressent. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'on prenne le temps de faire dans notre quotidien. Et puis ensuite, de laisser un petit peu déposer quand on se concentre sur la respiration. Et puis d'ouvrir voilà, au corps. Et puis peut-être à l'issue de ça, en fonction de ce qu'on a traversé, eh bien, de faire un choix, d'agir, de non agir, enfin de décider quelque chose à l'issue de ça par rapport à l'état qu'on a contacté. Et c'est un exercice que les enfants peuvent également pratiquer? Oui, bien sûr. Très bien. Avec les enfants, on utilise un peu plus d'images au niveau de la météo intérieure, mais oui. Alors, est-ce que tu as un autre petit exercice à proposer à nos auditeurs? Oui, bien sûr. Alors, un second. On va faire l'exercice de la bulle. La boule. Oui, bien sûr, on va faire l'exercice de la boule à neige. Tout le monde en a eu une, je pense, à un moment donné de sa vie. Et vous voyez ce que c'est, hein, ce sont les petits objets qu'on aime acheter au marché de Noël, ou pas, ou qu'on collectionne aussi pour certains. Et donc, on va se baser sur cette image, en fait, de la boule à neige. Donc, je vous invite à rester dans la position où vous étiez ou à l'ajuster, hein, ajuster votre confort pour que vraiment vous soyez vraiment le mieux possible. Et puis, vous allez fermer les yeux. Et vous allez laisser venir l'image de cette boule à neige. Celle que vous aviez dans vos souvenirs ou une autre complètement différente. Et cette boule à neige, vous la regardez parce qu'elle vient d'être renversée. Elle est agitée. Et vous pouvez voir les différents flocons qui tournent. Une espèce de brouillard à l'intérieur, en imaginant que cette boule à neige représente votre mental, où tout est un peu agité, une agitation mentale. Puis regardez tranquillement les différents flocons qui se déposent lentement, doucement, en silence. Imaginez que ce sont toutes les ruminations, les anticipations, les pensées quotidiennes, votre to-do list, et que vous êtes juste là avec votre respiration naturelle, sans effort, à être patient et à regarder toutes ces pensées se déposer, toutes ces anticipations, ruminations ou quoi que ce soit, ces productions de notre esprit. Et que la boule à neige est de plus en plus transparente, claire, un peu comme à l'image de votre mental. Toute cette agitation se calme et s'apaise. Prenez conscience de votre respiration et de chaque chose qui se dépose. Voilà, c'est juste un petit exercice. Oui, c'est intéressant. Moi, je pratique pendant que tu t'exprimes. Et donc, effectivement, c'est intéressant. Voilà. Ça nous fait du bien de se poser. Avec la métaphore, ouais. Où tout se calme et s'apaise, métaphore de la boule à neige. Très, très bien. Alors, dans la dernière partie de l'émission, tu vas nous conseiller des ouvrages donc, qui parlent justement donc, du lâcher prise. Mais avant, on va faire une deuxième pause musicale. Alors, quel a été ton choix ? Alors, c'est Claudio Capeo, Laisse aller. Eh bien, on écoute Claudio Capeo. Elle me dit, dépêche-toi, t'es encore en retard pour travailler. Tout le monde t'attend, c'est pas le moment d'hésiter. Je lui dis, laisse aller, laisse aller. Post-café, un collègue me dit que c'est la misère, que c'était mieux avant que tout fout le camp sur notre terre. Je lui dis, laisse aller, laisse aller. Quand tout autour de moi soudain s'agite et s'inquiète, je me dis que chaque jour que je vis est une fête, que je m'accroche à cette voix qui tourne dans ma tête, ce petit refrain pas compliqué qui me dit, laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller, allez, laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller, laisse, laisse aller, laisse aller. Serveur dit c'est pas la fête. Depuis qu'elle m'a quitté là dans mon cœur c'est la défaite. Je lui dis laisse aller, laisse aller. Fin de journée fatiguée dans mon salon c'est le bordel. Faut que je range mes génies, la force ni le manuel. Je me dis laisse aller, laisse aller. Laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller. Allez, laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller. Laisse, laisse aller, laisse aller. Let's ça ne va pas. Et si j'oublie, rappelle-moi. Je sais, c'est pas toujours facile. Laissez aller les jours fébriles. Voilà, c'était Claudio Capeo, Laisse aller. Vous êtes bien sur Radio Fadjet, vous écoutez donc l'instant présent, qui est la nouvelle émission sur Radio Fadjet pour aborder le développement personnel. Et ce mois-ci, nous abordons le lâcher prise. Alors pour terminer cette émission, Dorothée Lacroix, quelques références d'ouvrages pour prolonger justement cet entretien sur le lâcher prise. Oui, alors j'en ai retenu trois. Donc il y a la méthode « Foutez-vous la paix » de Fabrice Midal, donc, qui est très connue, oui. Et qui est vraiment pas mal parce qu'effectivement on apprend un petit peu à se foutre la paix. Je trouve que ça fait du bien. « Le pouvoir des petits riens » de Rick Hanson. Donc ça c'est le deuxième ouvrage. Donc celui-ci, eh ben, ça permet un petit peu aussi de remettre du lâcher prise dans son quotidien. Avec 3 fois rien, voilà, donc c'est tout des petits exercices à faire, des petites méthodes, ça se découvre tranquillement. Et puis le dernier, les 4 accords Toltec, donc de Don Miguel Ruiz, donc qui est aussi assez intéressant. Voilà, c'est une référence, ça, c'est une référence. Il est assez intéressant et ça devient un peu une référence, effectivement, ces 4 accords à s'appliquer, voilà. Je vous laisse découvrir, j'en dis pas plus. Bah merci pour ces références d'ouvrages. Alors, si je devais conclure, Dorothée, je pense que nous devons tous travailler à prendre du recul face à certains événements qui nous arrivent, accepter donc justement l'événement qui survient, prendre conscience que tout cela n'est que transitoire et arrêter enfin de vouloir tout contrôler pour profiter de l'instant présent. Je pense que, Dorothée, j'ai bien résumé un petit peu la situation. Parfaitement résumé. Alors, pour terminer, donc, j'aime bien ces phrases qui font du bien, justement. Alors, pour conclure, Dorothée, nous résumer cette émission sur le lâcher prise avec une phrase un petit peu méditante. Oui, alors, phrase de Rumi, la vie est un équilibre entre tenir bon et lâcher prise. Très bien, Dorothée. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas donc à faire part de vos remarques donc sur le site de Radio Fadjet. Vous pouvez, si vous avez pris l'émission en cours, nous retrouver justement en replay sur le site de Radio Fadjet et puis nous faire part également des thèmes que vous souhaitez aborder donc ces prochains mois. Eh bien, donc, Dorothée, le temps passe très vite. On se retrouve donc le mois prochain pour un nouveau thème. Oui, tout à fait, avec plaisir, comme d'habitude. Voilà, très bien, Dorothée. D'ici là, donc, n'oubliez pas de rester fidèle à Radio Fadjet.